Le bonheur désuet de retrouver bientôt le souvenir d'une époque qui avait tellement changé que souvent nous en restions pantois, nous envahissait. 9h58. Il y avait déjà beaucoup de monde sur le trottoir numéro 5 de la grande gare, et aux congressistes impatients se mêlaient des badauds intrigués qui attendaient eux aussi l'obscur monstre d'acier. Surpris et curieux, des jeunes s'étaient avancés par curiosité. Alors, dans un immense nuage de fumée qui s'échappait de sa cheminée, comme porté par la vapeur qui jaillissait de ses flancs, la bête est arrivée, lentement et presque solennellement, fière et imposante de puissance, ponctuant de coups de sifflet stridents les mois qui nous envahissaient. Nous n'avions plus assez d'yeux pour l'admirer. Il fallait tout voir, tout toucher, tout sentir, avant que le rêve ne s'évanouisse. Les appareils photo crépitaient, et tout ce monde ravi s'agitait sur le bouquet du souvenir où la 141R-1126 soufflait comme une bête, prête à bondir au premier signal autorisant son départ. Le bruit sourd et rythmé, l'odeur si particulière de l'eau et du feu savamment mélangées, l'atmosphère surannée des temps passés, il ne manquait rien, pas même les lunettes typiques des roulants accrochées sur le haut des casquettes bleues de cette belle équipe reconstituée. Dans leurs beaux habits, presque trop propres, le mécanicien et son chauffeur n'avaient pas oublié de nouer un petit foulard de couleur rouge autour de leur cou, vieille galanterie des hommes du rail. Inlassablement, ils frottaient leurs mains avec l'indispensable essuyage, un petit carré de chiffon gris absorbant que les dépôts échangeaient à chaque rentrée. Émerveillés par le superbe spectacle, nous étions surpris de constater que longtemps encore, après avoir tiré tant de trains de marchandises sur la rive droite du Rhône, une vieille Mikado puisse être en aussi bon état et fasse, disons-le, honneur aux bénévoles de l'association toulousaine. Pas une trace visible de cette épaisse graisse collante, mélange malodorant d'eau et de suie. On ne remarquait plus que les cuivres asticales authentiques, les niveaux et les manomètres étincelants, les sièges sans confort, mais réparés, les manettes et les rideaux neufs, jusqu'à l'effrayante porte du foyer où se tapissait un feu d'enfer.